Bonjour aux fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans cette émission Forum Jeune. Forum Jeune d'aujourd'hui, ça s'annonce un peu spécial, une émission aujourd'hui qui va se consacrer à une Miss burundaise dans le cadre de la communauté est-africaine, Miss France de la communauté est-africaine. Nous avons l'honneur d'accueillir mademoiselle Noëlla qui va bientôt se présenter en détail. Et c'est une compétition qui s'organise dans le cadre de la sous-région et nous aurons l'occasion d'en parler davantage. Et à côté, je suis aujourd'hui au micro avec Christian Savier que vous connaissez également. Il va nous aider dans cette émission Forum Jeune. La radio Isanganiro a eu cette occasion d'accueillir la Miss pour un passage à la radio. Et tout de suite, sans tarder, je vous présente Noël. Noël, bonjour. Bonjour. Pour les auditeurs qui viennent de te découvrir pour la première fois, tu peux nous donner une présentation très brève. Alors, je m'appelle Yes Noëlla Teteya, j'ai 18 ans et au début du mois, j'ai eu l'honneur d'être élue Miss East Africa France 2017. Merci d'avoir bien répondu présent dans cette émission. Merci à vous de m'avoir invité. Peut-être que les jeunes auront à s'inspirer de vous de par cette émission qu'on va réaliser. Et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors, la première question... Au Burundi, on commence à s'habituer à, avec ces grands événements organisés ici à Bujumbura, Miss Burundi avec beaucoup d'initiatives dans différentes écoles et d'autres. Et on sait très bien que par l'expérience qu'on ne peut pas être Miss Africa ou Miss Monde sans toutefois être Miss Burundi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment est organisé cet événement qui est Miss East Africa? L'organisation Miss East Africa en France, le recrutement des concurrentes, je dirais, s'effectue à travers le comité d'organisation. Donc c'est vraiment les membres du comité qui vont aller à la recherche des candidates, c'est ça. Donc pour ma part, j'ai, comme je le disais, la présidente de l'association ASCUB qui travaille à l'ambassade du Burundi, du coup, qui a été contactée par le comité d'organisation Miss East Africa France. Et c'est du coup par ce biais-là que j'ai pu participer à ce concours, voilà, c'est ça. Comment est-ce que les Burundaises vivant au Burundi pourraient participer à cet événement? Alors, je dirais que ce sont plutôt des candidatures spontanées, en fait. Il s'agit, en fait, donc on remplit un formulaire, donc avec des critères physiques, des critères donc d'âge. Je pense qu'il faut être majeur, voilà, au minimum. Ouais. Il faut être étudiante. C'est avoir une profession ou autre chose pour pouvoir remplir des critères et devenir candidate. Et à partir de là, c'est vraiment le jury qui va décider du profil, s'il est validé, s'il convient ou pas. Quels étaient les critères pour évaluer les... Alors, il me semble que pour ma part, ça se limite à ce que je vous avais dit, c'est ça. C'est une jeune femme, du coup, étudiante, qui a une belle allure, du coup, et qui peut avoir les épaules, du coup, de véhiculer de bonnes images et un bon projet pour sa jeunesse et sa génération. Quel a été votre projet Alors, pour ma part, mon projet, c'était... Enfin, j'avais pour objectif de promouvoir l'éducation dans les villages, donc à commencer ici par le Burundi, c'est-à-dire essayer de mobiliser un maximum d'enseignants, de former plus d'enseignants, de solliciter également des grandes enseignes pour pouvoir récolter des fournitures scolaires, du matériel didactique, pour pouvoir du coup mener à bien l'enseignement pour la jeunesse dans les villages reculés. Mmh. Votre visite ici au Burundi, après votre visite, vous préconisez faire quoi concrètement? J'ai éventuellement du coup un éventuel prochain partenariat avec la Croix-Rouge au Kenya, du coup, parce que, étant donné que maintenant je suis ambassadrice de l'Afrique de l'Est en France, je me sens concernée par les défis de l'Afrique de l'Est, donc tout ce qui est la sécheresse et les problèmes, donc les carences dans l'agriculture, tout ça, tout ce qui est du coup les problèmes du coup dans l'éducation, la jeunesse, tout ça. Donc il y a un prochain partenariat peut-être, donc je m'étale pas là-dessus parce qu'on est vraiment en cours de discussion, tout ça. Et pour ma part, c'est vraiment essayer de peut-être engager des projets pour monter des structures polyvalentes qui vont permettre de sensibiliser des enseignants qui formeront d'autres enseignants pour les... Nancy, une jeune fille comme toi qui se trouve dans le plus profond du pays, à l'intérieur du pays, qui est belle et intelligente, qui voudrait percer, tu as envie de lui dire quoi? Alors, le tout, c'est vraiment d'être convaincu de la portée de son projet. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'étudie le droit et à terme, je souhaiterais mettre mon projet professionnel au profit justement de ce thème-là, l'éducation pour tous, que ce soit à travers la législation ou même vraiment essayer de faciliter l'accès à l'éducation pour la jeunesse. Donc le tout, c'est vraiment d'être convaincu en fait de son projet pour pouvoir le soutenir jusqu'au bout et d'essayer de le mener à bien en fait. Parce que l'éducation pour tous, c'est vraiment un thème large. Il y a énormément d'initiatives partout. Je ne suis pas du tout la première à m'intéresser à ce thème. Donc, c'est ça. Il faut vraiment essayer de mêler ses études, sa vie, d'essayer de s'instruire, de lire, de vraiment s'enrichir tout au long de son parcours pour tenter de tout simplement de poser sa pierre à l'édifice. Moi, c'est vraiment ce que je compte vraiment faire concrètement. C'est essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, essayer de motiver les jeunes de ma génération, de s'intéresser vraiment à tout ce qui est l'enseignement, l'éducation, et pourquoi pas eux-mêmes devenir des enseignants, d'avoir vraiment cette envie de transmettre, de perpétuer l'enseignement, l'éducation. C'est ce qu'il y a pour moi de primordial. Voilà, la communauté est-africaine, c'est une communauté vaste de plusieurs millions d'habitants. Si on essaie de voir, on parle plusieurs langues. Parmi les critères de sélection, si je m'en permets de retourner en arrière, est-ce que ça vous a été facile de vivre, d'être né dans un pays qui parle français pour représenter une communauté qui parle souvent l'anglais plutôt que le français? Alors, naturellement, si on participe au concours Miss East Africa, il est indispensable d'avoir des notions en anglais. Donc, c'était vraiment la base, j'ai envie de dire. Chaque fois que je communiquais ou j'avais des interactions avec les membres du comité ou encore même certaines candidates, il y en a certaines, pas forcément dans ma session, mais dans d'autres années, il y avait vraiment des candidates qui étaient uniquement anglophones. Donc le mot d'ordre, je dirais que c'est vraiment l'anglais. Ensuite, c'est... Finalement, c'est pas seulement... le français devient un atout. C'est ça, le français devient un atout dans le sens où c'est une valeur ajoutée. On va essayer de communiquer... c'est East Africa France, donc forcément on va s'exprimer en français. Mais voilà, c'est une valeur ajoutée de parler français, il faut s'exprimer en anglais. Et c'est pas seulement un concours de beauté, donc ça va être aussi une aventure enrichissante. Intellectuellement, je vais rencontrer des personnes qui vont m'en apprendre davantage sur la région, davantage sur la communauté. Étant donné que je suis née en France, je parlais français qui était ma langue maternelle. Du coup, j'ai appris aussi quelques notions en Swahili, tout ça. J'ai eu vraiment de... Moi-même, ma petite expérience et mon enrichissement personnel, donc forcément. Parler anglais, parler Swahili. Tu peux nous parler un peu quelque chose en Swahili? Alors, du coup, j'ai appris, du coup, par rapport à mon projet. Alors, éduquer, qui se dit Kuleya, je crois, ou l'information, ça rentre dans le même thème. Donc, après, ce sont surtout des salutations et des remerciements. Donc, tout ce qui est la bienvenue, Jambo, comment dire? Aussi Hakuna Matata. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on entend souvent qui revient. Oui. Voilà, c'est toujours dans le cadre de l'East African Community, c'est une grande communauté avec plusieurs défis. Et surtout, vous avez peut-être une année, si je ne me trompe pas, pour représenter cette grande communauté. En termes de moyens, ici au Burundi, si on est Miss Burundi, ça pose toujours énormément de difficultés au niveau des moyens financiers pour pouvoir exploiter votre programme. Est-ce que c'est vraiment comment techniquement ça s'est organisé pour que vous puissiez mener à bon port votre projet? Ce qu'il y a de plus délicat justement, c'est essayer de concrétiser le projet, d'essayer de trouver les fonds pour pouvoir le mener à bien. Et c'est là où justement les sponsors et les partenaires de l'organisation de l'événement interviennent, là où ils sont importants, c'est qu'ils vont nous aider à acquérir une portée, une certaine, pas notoriété, mais vraiment la promotion du projet de l'événement, pour essayer de sensibiliser les grandes enseignes et éventuellement, comme je parlais tout à l'heure de Kenya Croix-Rouge, donc des enseignes avec des grands noms, avec une portée internationale, qui vont pouvoir essayer de s'investir dans notre projet. Donc c'est vraiment par là que ça passe. C'est même la plus grande porte, je dirais, pour le projet, c'est d'essayer de sensibiliser les grandes enseignes qui vont venir s'intéresser au projet, et c'est là où vraiment on doit, enfin le challenge se trouve ici en fait, c'est vraiment d'essayer de... Est-ce que vous êtes rassuré par rapport aux éditions antérieures qui se sont passées, les Miss précédentes, et se sont-elles comportées ou ont été contentes de l'appui qui a été apporté à leur égard? Alors je dirais que ça dépendait des années, c'était plus ou moins enfin les Miss ont plus ou moins réussi à aboutir à leur projet. Moi j'ai eu la chance de participer à une session cette année où il y a eu énormément de partenaires, donc on a eu beaucoup de publicité, et c'est comme ça que j'ai justement eu l'occasion d'être mise en relation avec Croix-Rouge Kenya. Et du coup, bon, comme je disais, ça fait pas encore un mois que je suis élue, donc on est vraiment au tout début de l'aventure, et j'espère qu'à terme j'arriverai à acquérir l'ampleur dont j'ai besoin pour pouvoir mener mon projet à bien. Vous avez une grande expérience avec l'Europe, avec la communauté sud-africaine. Ici au Burundi, votre pays d'origine, si je m'en permets, est-ce que, au regard de l'organisation de la compétition Miss au Burundi, qu'est-ce que vous en connaissez ? Naturellement, dans la participation du concours, le jour de l'élection, il y avait un passage traditionnel. Donc, c'est à ce moment-là où vraiment on va, chacune des candidates, promouvoir son pays, sa culture. Donc c'était à ce passage-là que voilà, j'étais vêtue du Mvutano que ma mère m'avait offert. C'était le moment pour moi avec, où j'ai fait ma petite prestation, mon petit spectacle avec Igiseke. J'avais le drapeau, donc c'est là où vraiment j'ai essayé de promouvoir la danse avec des musiques burundaises. Et c'est le moment où vraiment je vais essayer de promouvoir la culture de chez moi, les tenues traditionnelles, tout ça, et essayer de l'inclure vraiment et d'essayer de lui donner une portée égale à celle des autres pays membres, quoi. Quel est le regard que vous portez par rapport à l'organisation de la compétition Miss ici au Burundi, au regard des défis? Oui, je dirais que c'est plus dans l'engagement de chacune des candidates, c'est ça. Elles sont dans une dynamique où vraiment elles sont chacune, elles viennent du même pays, donc c'est là où vraiment elles vont devoir se distinguer et essayer de faire la différence avec ce qu'elles peuvent apporter en plus, elles, à leur génération, dans niveau intellectuel, niveau vraiment de ce qu'elles connaissent elles-mêmes de leur propre pays, en fait. C'est là où on va essayer de distinguer la meilleure d'entre elles. C'est laquelle sera capable de promouvoir son pays, laquelle sera capable de motiver sa génération, de représenter vraiment la femme burundaise et l'espoir du Burundi, parce que naturellement ici, je me rappelle plus exactement des chiffres, mais je crois que c'est à peu près moins de 10% des femmes qui accèdent à l'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment histoire de véhiculer un maximum de bons messages et d'encouragement, d'espoir pour la femme ici au Burundi. Avec votre projet qui se base surtout sur l'éducation, c'est un thème assez grand. Est-ce que vous ne trouvez pas que votre objectif à vous sera difficile à atteindre, d'autant plus que c'est très général, que ça touche énormément de gens? Est-ce qu'il n'y a pas de sous-petit projet qui pourrait être concrétisé d'une façon rapide et effective? Alors naturellement, comme je le disais au départ, l'éducation pour tous, c'est un thème extrêmement large. Je ne suis pas la première à m'intéresser à ce thème-là. Mais comme je le disais, mon souhait, c'est vraiment, étant donné que c'est un thème qui me touche fortement, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire vraiment, à travers la promotion de ce thème-là, c'est ne jamais relâcher en fait les efforts qui ont été construits, qui ont été initiés auparavant. C'est-à-dire que je suis vraiment dans une dynamique de sensibiliser les jeunes de ma génération, de vraiment de promouvoir l'éducation, histoire de donner envie aux jeunes de perpétuer l'éducation. C'est-à-dire que vraiment essayer de répartir justement cet engouement et cette dynamique vers le futur. Donc moi, c'est pendant un an que j'aurai l'occasion d'être sur le devant de la scène et d'essayer de commencer le projet. Mais si la Miss de l'année prochaine peut peut-être poursuivre le projet, ou même que les partenaires qui m'auront soutenu pendant le projet continuent justement le programme après mon élection, vraiment ça va bien plus loin que cette année de règne. Je dis pas qu'en un an je vais réussir à essayer de changer le Burundi, changer l'Est de l'Afrique, changer l'Afrique, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Et voilà, c'est un projet qui est beaucoup trop pharaonique pour ça. Mais vraiment c'est ne jamais relâcher les efforts, en fait. C'est tenter de continuer en fait dans la même dynamique, d'essayer de reprendre les rênes là où d'autres ont posé les premières fondations auparavant, quoi. Et c'est comme ça que, enfin, on essaiera d'avancer. On va représenter toute l'East Africa, c'est hyper grand. Voilà. Donc c'est toujours le même projet qui va être évalué dans tous ces pays. C'est ça. Et puis pourquoi pas parallèlement avec ce projet-là, essayer de redorer vraiment l'image du Burundi, essayer de lui redonner la place qu'il mérite parmi les pays membres de l'East Africa. C'est quand même la raison pour laquelle je me suis engagée, c'était pour représenter mon pays, essayer de le soutenir et de le promouvoir lui avant tout. Non, si, il y a d'autres initiatives faites par le Miss Burundi. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts qui pourraient encore une fois appuyer ces idées pour qu'on puisse comprendre que Miss Burundi, en collaboration avec le Miss East Africa, a un projet commun qui pourrait peut-être avancer grâce à cette dimension internationale que vous représentez? Alors, je pense qu'on est sur cette voie-là, effectivement, parce que j'ai été mise en relation il n'y a pas longtemps avec la Miss Nationale. Du coup, on ne s'est pas encore rencontrés. Mais dans le courant de mon séjour, on devrait normalement partager un petit déjeuner ou un verre et essayer de faire un état des lieux, une mise au point sur... Parce que je crois qu'elle arrive bientôt au terme de son règne, du coup. Ah, oui. Donc, essayer reprendre le flambeau, on va dire, essayer de mettre en commun nos idées, nos projets, et essayer de voir à peu près où est-ce qu'elle en est, que je lui expose exactement où j'en suis et qu'elle me donne des conseils pour que je puisse mener à bien mon expérience en tant qu'ambassadrice de l'Afrique de l'Est, essayer de recueillir des témoignages de son expérience, et voilà. On a toujours accusé les jeunes Burundais comme des personnes introverties qui ont peur de l'extérieur. Et dans le cadre sous-régional, qu'est-ce que vous conseillerez à ces jeunes pour s'ouvrir au monde afin de saisir certaines opportunités qui ne sont pas offertes ici au Burundi? Moi, je pense que la première manière de s'ouvrir au monde, c'est à travers la lecture. Donc, pourquoi la lecture? C'est vraiment la manière, en fait, de récupérer en fait l'expérience des autres, de savoir en fait ce qui se passe ailleurs. C'est à travers un livre, en fait, qui provient d'ailleurs, qui provient d'une culture étrangère, qui provient d'un milieu étranger, où on va pouvoir vraiment essayer de s'approprier justement cette diversité. On va pouvoir essayer de s'ouvrir au monde à l'extérieur, et pourquoi pas, de toute façon c'est la seule portée qu'on a aujourd'hui, c'est la seule possibilité qu'on a aujourd'hui. On vit dans un monde où voilà, on est en plein dans le capitalisme, dans le libre-échange. On si on a de l'ambition, si on veut pouvoir dynamiser son pays et l'ouvrir à l'extérieur, il faut s'ouvrir au monde. C'est à travers justement le recueillement justement de l'expérience des autres, donc à travers les livres. Quel effet ça fait de porter cette couronne et ce ruban? Alors, pour ma part, au début, j'étais impressionnée parce que, comme je disais, voilà, je suis encore très jeune, j'ai 18 ans à peine. Je suis censée être ambassadrice de l'Afrique de l'Est en France. Au départ, c'est impressionnant et intimidant. Et au bout d'un moment, on se dit, bah voilà, si on m'a remis cette couronne, c'est que j'ai peut-être le profil pour encourager et motiver les jeunes femmes de ma génération. Donc ça m'apporte un espoir en fait pour les femmes de en général en Afrique, pour les femmes du coup, je suis une femme africaine en France, donc j'ai forcément cette mission là d'essayer de promouvoir la femme africaine en France et essayer de la développer, et pourquoi pas la voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, un message particulier? Alors, moi, je souhaite vraiment adresser un message en dernier mot aux femmes ici au Burundi. Vraiment, essayer de les motiver, de les femmes, la jeunesse surtout, voilà, qui est l'avenir du pays. Du coup, d'essayer de croire en ses rêves, d'aller jusqu'au bout. Et ce qui est important, c'est vraiment, à travers l'instruction, essayer de progresser, de faire évoluer la femme burundaise. Ça, c'est très important. Voilà, c'est la fin de cette émission Forum Jeune. Comme je l'avais annoncé tout au début, c'était une émission spéciale où on a saisi l'occasion au passage de la Miss East Africa édition 2017, et on a eu l'honneur d'accueillir encore une fois ma demoiselle Lies Noëlla. Lies Noëlla, il faut aussi ajouter le nom. TTIA. Ça veut dire quoi? Alors TTIA, en fait, c'est originaire de Centrafrique, comme je disais, parce que mon père vient de République centrafricaine. Mmh. Voilà. Et qu'est-ce que... Et donc, il est présent. Je pense que quand même, il pourrait nous donner un petit historique sur l'origine et la jeunesse du nom Tétéia. Donc, on t'écoute. Tétéia, ça veut dire quoi? Bonjour. Alors, pour répondre directement à votre question... Et nous allons nous excuser parce que l'émission était focalisée sur votre fille. Mais comme vous l'avez accompagnée, il ne faut pas quitter le studio sans que vous ayez donné votre appréciation par rapport à tous ces honneurs qui sont finalement accordés à votre famille. Depuis la nuit du 1er juillet au 2, je découvre que ma fille a été propulsée. Elle est mise devant la scène internationale. Elle va devoir relever ce défi, représenter la East Community Africa. Et je l'encourage. Et elle peut se rassurer que nous, ses parents, nous serons là à ses côtés pour la soutenir. C'est lourd, mais je la sens capable de relever ce défi. Alors voilà, plus de 25 ans que Patrick, que je suis, a rencontré Jacqueline. Et puis de cette union, on a eu 3 enfants. Le premier, Axel, se trouve encore en France. Tétéia, étymologiquement, dans ma langue, signifie « ce n'est pas à moi ». Ben, j'ai vu que le Burundi a pris East Africa. Ce qui est à moi, ben, ça nous appartient. Mmh. Voilà. Tétéia. Tétéia. Voilà. Voilà. Une très bonne signification par rapport au rôle maintenant que tu es en train d'accomplir parce que tu n'appartiens plus à ton père, tu appartiens aujourd'hui à l'East African Community. Voilà. Nous allons aussi donner un peu du temps pour votre maman. J'ai appris déjà qu'elle s'appelle Jacqueline. C'est à elle peut-être de se présenter brièvement. Merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Jacqueline Tétéia. Non, Jacqueline Barangueza. Nom d'épouse Tétéia. Aujourd'hui Tétéia, depuis une vingtaine d'années. Alors moi je suis originaire de Gitega, sur la commune de Biloré. Auparavant, quand Yes parlait, elle se rappelait que je faisais 10 km pour aller à l'école. Pour aller à l'école jusqu'à Mouchacha, ça faisait 5 km aller, 5 km retour. Elle en était choquée. Elle dit tous les jours, elle dit mais c'est comme ça, mais bon... Tous les enfants le faisaient. Mais là, maintenant, Dieu merci, on a l'évolution depuis 10 ans, depuis quelques temps. Les enfants, ils ne peuvent pas faire 10 km pour aller à l'école. C'est vraiment... Elle en était fière. Là, maintenant, elle a dit, c'est très bien. Mais maintenant, ce qui lui porte au cœur, il faut qu'elle trouve un moyen pour demander le matériel pour que ses enfants puissent avoir ce qu'il faut pour l'école. C'est comme ça. Les équipements. Les fournitures, le matériel élémentaire, basique que l'enfant a besoin pour aller à l'école manuelle. Donc, si l'école est à proximité et qu'ils ont ce qu'il faut, je pense que les enfants vont avoir le courage d'aller à l'école, et d'étudier et puis d'être propulsés plus tard comme elle, quoi. Voilà, nous disons un grand merci à la famille et Nancy parce que c'est vraiment un honneur de vous retrouver autour du plateau pour accompagner votre fille. Et la radio Sanganilo a toujours fait une occasion en or pour faire parler des personnes qui font, spécial au Burundi, qui font donner une bonne image à notre nation. Et nous remercions pour vous tous qui étaient ici au studio pour un peu parler du rôle qui reviendra à la Miss East Africa. Et nous disons merci à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés à la présentation. Vous étiez avec moi, Pacifique Chubahiro. Et Christian Savier.